8-6, observation, numération de 100 à 999 millions. 100? 101. 102, etc. 200. 201. 202. Etc. 999. 1000. 2000, etc. 1 million. 2 millions, etc.